Changement de voie. Le train hissé à destination de Brussels Airport, Zaventem, de 7h53, voie 4, au lieu de voie 5. Même quai, ce train s'arrête à Bruxelles-Jouanne, Bordeaux et Brussels Airport, Zaventem. Ce train est le premier train vers Brussels Airport, Zaventem. Spoor 5, spoorverandering. De IC-trein naar Brussels Airport, Zaventem van 7:53. Spoor 4 in plaats van spoor 5. Zelfde perron. Deze trein stopt in Brussel-Schuman, Bordeaux en Brussels Airport, Zaventem. Deze trein is de eerste trein naar Brussels Airport, Zaventem. Gleis 5. Gleisänderung. Der IC-Zug nach Brussels Airport, Zaventem. Planmäßige Abfahrt 7:53, Gleis 4. Stadt, Gleis 5. Gleicher Bahnsteig gegenüber. Dieser Zug ist der erste Zug nach Brussels Airport, Zaventem. Track 5. Track change. The 7:53 IC train to Brussels Airport, Zaventem. Track 4 instead of track 5. Same platform. This train is the first train to Brussels Airport, Zaventem. Le train hissé à destination de Namur et Liège-Guillemin de 7h56 arrivera dans quelques instants. Voie 3, ce train s'arrête à Otigny, Namur, Andenne, Stade, Huy, Flémalle-Haute et Liège-Guillemin. Chers voyageurs, à Otigny, la cinquième voiture arrivera hors quai. Merci de prendre place dans une autre voiture. Spoor 3, de IC-trein naar Namur. Leuk-Guillemin van 7:56 komt zo dadelijk aan. Spoor 3. Deze trein stopt in Otigny, Namen, Andenne, Stad, Huy, Flémalle-Haute en Leuk-Guillemin. Beste reizigers in Otigny.